Ces mentions sont notamment l'identification du contribuable contenant le numéro de NIF, l'adresse du contribuable, le nom de l'acheteur, surtout pour les assujettis à la TVA ou même pour des contribuables qui ont d'autres obligations légales à remplir en matière fiscale. Ils ont besoin de ce document et la délivrance de la facture est une obligation légale et le fait de rentrer avec la facture est une obligation légale. Celui qui ne rentre pas avec sa facture s'expose à certains dangers. Même la police peut lui demander de justifier à qui ces marchandises sont destinées. Une période obligatoire n'a pas été définie, mais nous pensons que tout le mois d'août servirait à tous nos contribuables de pouvoir se procurer le modèle de facturation. Nous allons continuer à suivre quotidiennement comment la facture est délivrée. Mais dès le mois de septembre, toutes les mentions seront consignées sur le modèle de facturation qui a été donné à tous les contribuables. Le modèle se trouve sur le site de l'Office burundais de recettes. Dès la semaine prochaine, tous nos contribuables qui se trouvent à l'intérieur auront à leur disposition le modèle de facture. Ils pourront le récupérer sur tous nos bureaux à l'intérieur du pays. C'était Jean-Marc Mance Nimbona. Vous voudrez bien nous excuser pour les désagréments causés par la mauvaise qualité sonore de cet élément. Sorti ce mercredi de cette ordonnance ministérielle, notamment les responsables de plusieurs unités de police. Le porte-parole de Socor clarifie que ce n'est pas un remplacement massif opéré au sein de la police, mais plutôt des ordonnances sorties pour se conformer à la nouvelle loi régissant la police. Pierre Nhourikiye précise que la plupart des responsables des unités ont été maintenus dans leurs fonctions, sauf seulement 4. On l'écoute. Ce n'est pas un remaniement qui a eu lieu. Mais c'est une mise en œuvre de la nouvelle loi régissant la police nationale du Burundi. Vous savez que depuis février de cette année, la police nationale du Burundi est régie par une nouvelle loi et sa mise en œuvre implique des décisions qui doivent être prises, des décisions qui nomment certains responsables de la police. Au début, on a commencé par des décrets qui ont nommé notamment l'inspecteur général de la police et son adjoint, mais aussi d'autres autorités qui sont nommées par décret. Avant-hier, donc, c'était le tour des autorités qui sont nommées par ordonnance ministérielle. Il y a eu sortie de cette ordonnance ministérielle et qui ont mis en place différentes autorités de la police. Donc, en général, dans cette ordonnance, il n'y a pas eu grand changement. La plupart des autorités ont été reconduites, sauf autour de 4 responsable dont le commandant de la police chargé de la sécurité routière, le commandant de la police chargé de la protection des mineurs et des mers, et le commandant de la brigade anti-émeute et le commandant de l'unité antiterroriste de la police. Et donc, sauf ces 4, en général, on a reconduit pratiquement les mêmes autorités. Donc, il n'y a pas eu remaniement ou grand changement. Et c'est juste une mise en œuvre de la nouvelle loi régissant la police. Est-ce que d'habitude, le remplacement des responsables au sein de la police nationale se fait par ordonnance ministérielle ou bien c'est par le décret présidentiel? Il y a des autorités policières qui sont nommées par décret présidentiel et ceux-là ont été nommés avant. Et il y en a alors ceux qui sont nommés par ordonnance du ministre. Et ce sont ceux-là qui viennent d'être nommés. Après, il y aura des autorités qui sont nommées par décision de l'inspecteur général de la police. Et les 4 que j'ai cités sont à la tête des unités spécialisées. Et les unités spécialisées de la police, les autorités sont nommées par ordonnance du ministre. C'était Pierre Nhourikiye, porte-parole de la police nationale au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. L'organisation PARSEM demande que le rapport des états généraux de la justice tenu le 5 août 2013 soit rendu public. Dans une conférence de presse vendredi, Faustin Dikoumana, président de cette organisation, a estimé que cet événement devrait servir de date historique. Suivez-le. Cet événement devrait servir de date historique pour secouer l'apathie des gens membres de ce secteur au niveau du changement de comportement. Parce que la justice, c'est un secteur très fondamental, sensible dans la vie d'une nation. On ne peut pas parler de paix sincère quand il n'y a pas de justice. La lutte pour la justice devrait être une préoccupation permanente de la part des autorités publiques. Alors, on se dit, la situation aujourd'hui n'est pas en train d'évoluer d'une manière sensible. On constate à Myanmar que, par exemple, au niveau de la chaîne pénale, il y a manque de confiance entre même les institutions.

y aller trois fois par semaine et travailler seulement jusqu'à 14 heures selon l'administration locale. Fes Caritas Kabanyana Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Spacecap. Maintenant sur Rumonge, où certains clients des banques dénoncent le favoritisme et la corruption de certains agents de banque dans l'octroi des crédits bancaires. Dans une réunion tenue ce jeudi à Rumonge avec les clients de ces banques dans le sud du Burundi, l'association des banques et établissements financiers leur demande de contribuer dans la dénonciation de ces cas. Jean-Pierre Misago pour les détails. Selon certains clients des banques et établissements financiers du sud du Burundi, certains agents des banques, surtout les gérants, exigent des pots de vin ou mettent en avant le clientélisme dans l'octroi des crédits bancaires aux demandeurs. Ceci pèse lourdement sur ces clients qui doivent payer les intérêts et du crédit réellement reçu et de la somme versée à l'agent de banque. Dans une réunion des commerçants opérant dans les provinces de Bururi, Rutana, Makamba et Rumonge ce jeudi à Rumonge, l'association des banques et établissements financiers n'a pas nié les faits et Cyril Sigejeje, administrateur et directeur général de la banque de gestion et de financement et qui était l'un des conférenciers du jour, a demandé le concours de ses bénéficiaires de crédit dans la dénonciation de ces cas qui ternissent l'image des banques pour leur licenciement. L'association des banques et établissements financiers et les commerçants du sud du Burundi échangeaient sur les mécanismes et conditions d'accès aux services financiers ainsi que les conditions de réalisation des garanties dans l'industrie bancaire au Burundi. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Une nouvelle brève toujours à Rumonge. Plus de 200 boules de chanvre, 2 téléphones portables, 180 cartes SIM et plus de 30 bouteilles d'une boisson alcoolisée produite artisanalement font partie des objets saisis ce matin dans la prison centrale de Rumonge. Selon Donatien Manirakiza, responsable de cette prison, cette fouille a été organisée après une bagarre entre détenus qui a eu lieu ce jeudi et qui a fait une dizaine de blessés. Dans les nouvelles africaines proches de chez nous, au Rwanda, avant le reportage du jour bien sûr, les Rwandais ont été appelés aux urnes ce vendredi afin d'élire celui qui conduira leur destin pendant les 7 prochaines années. Selon le site internet de Jeune Afrique, les bureaux de vote ont ouvert ce matin au Rwanda où près de 7 millions d'électeurs inscrits ont à départager les 3 candidats en lice pour ce scrutin présidentiel. Il s'agit de Frank Habineza du Parti démocratique vert, le seul parti d'opposition toléré, comme l'indique Jeune Afrique. Philippe Maïmana, candidat indépendant, tout juste rentré d'exil. Et le président sortant, Paul Kagame, ultra favori en lice pour un troisième septennat. Les Rwandais de l'étranger, ont voté ce jeudi dans leurs ambassades, sauf en République démocratique du Congo et au Burundi. Les élections présidentielles sont également attendues au Kenya en date du 8 de ce mois. À la source, reportage. Je vous l'avais dit dans les titres, plus de 22 000 enfants n'ont pas été enregistrés après leur naissance dans les registres d'état civil de la mairie de Bujumbura. L'association Sogepaye a débuté mercredi une campagne pilote d'enregistrement de ces enfants en collaboration avec la mairie et l'UNICEF. Le chargé du suivi et évaluation des programmes dans cette association dit que l'ignorance et la pauvreté sont quelques-unes des causes de ces effectifs élevés d'enfants non enregistrés. L'activité s'est poursuivie ce vendredi en zone Kanyosha et c'est un reportage dans l'indésiré Bukayenez. Près de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, les agents de l'état civil sont en cours d'enregistrement des enfants non inscrits dès leur naissance. Eric Nsenkiyumva vient enregistrer ses 5 enfants. Un des trois. Je suis venu faire enregistrer ces enfants pour qu'ils soient reconnus par l'État. Je me suis dit, en tant que... Vous voudrez bien nous excuser pour ces éléments qui n'ont pas été bien montés. Je suis en direct avec Alain Désiré Boukeneza qui peut poursuivre son reportage. Oui, nous poursuivons. Eric Nsengiumva était venu enregistrer ses 5 enfants. Et cette femme dit n'avoir pas enregistré son enfant, faute d'extrait d'acte de naissance, puisqu'elle est en union libre.